Il y a des étoiles au bord de ses yeux, perdues dans les voiles, dans la fumée bleue. Et ses cartes de bonne aventure qui me jouent les tours avec le futur. La gitane préfère danser toute la nuit pour ne pas penser. Il y a les coups de foudre et les fièvres folles. Quand ses mains envoûtent, les rythmes s'envolent. Les ombres balancent sur les murs. La danse de son ventre endort mes brûlures. Les carreaux frissonnent, ma raison défaille. Je prie la Madone dans la chambre royale. Sa douceur.